Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On dira déjà au revoir à notre chroniqueuse Léa Tessier et à son mashup musical. Et moi, je vais dire bonjour pour la première fois à notre collaborateur jeu de table, Mathieu Lambie. Ah, c'est excitant, ça. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 22 mars 2018. On est à 36 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Là où... ça sent pas très bon. Ça sent le jeudi matin dans cet immeuble-là. Ouais, il s'en passe des choses le mercredi, hein. Oui, je crois que certains étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont apprécié le fait que la session est presque terminée. Ouais. Ou du moins qu'ils reviennent de leur mi-session, c'est-à-dire relâche. Donc, ils se remettent à bord comme s'ils n'étaient jamais partis. Comme s'ils n'avaient pas fait ça pendant leur C'est leur ça, ça sent aussi. Le fond de tonne à matin, ouais. Là, sérieusement. C'est dégueulasse. Ah, la vie étudiante. Mais bon, hein, que veux-tu? On fait avec ce qu'on a. Ouais, on espère qu'on va avoir des gens, présents mentalement pour leur chronique aujourd'hui et physiquement, bien sûr. À je te promets que je suis là physiquement et mentalement. Les deux! Je suis arrivée, là, je suis à bon terme. Mais avec la main brûlée. Oui, avec la main brûlée. Comment c'était fait ça? J'ai... Raconte! J'ai cuisiné. OK. Mais au lieu de mettre une mitaine à four pour aller chercher quelque chose dans le four, j'ai tout simplement pris, tu sais, un linge à vaisselle. Ouais, ouais. Puis j'ai mal calculé la distance entre ma main et la grille. Donc, quand j'ai voulu aller chercher la plaque, je me suis accoté la main sur la grille. Au début, ça a pas non, ça va. Non, c'était correct. Tu sais, on dit tout le temps que c'est par après que ça fait mal. Ouais, ben c'est vrai. ça brûle encore ce matin. C'était-tu bon au moins? C'était très bon. C'était quoi? Je me suis fait une casserole légumes, bœuf et œufs. Ouais, c'était mon dessert. Et feta, bien évidemment. C'était mon dessert. Ouais, c'est mon dessert. Non, c'est mon souper hier soir. Je filais vraiment déjeuner. Ouais. Je suis une fille qui peut manger un déjeuner pas mal n'importe quand dans la vie. C'est ton lunch aujourd'hui aussi? Non. Mais ah. Ben non, on avait un plat, Mathieu. Ah, c'est vrai, oui. Oui, et rappelle-toi de notre plat. Bon. Et oublie pas ça. Sushi! Oh, voyons. Aujourd'hui, l'émission, Tania. Oui. Je sais que ça fait deux fois que je dis le plan d'émission aujourd'hui, puis là, oui, je passe sur autre chose, on s'en fout. Mais je lisais sur un commentaire sur une publicité d'une émission du matin à une autre chaîne. OK. C'est l'émission où les gens parlent beaucoup. Il n'y a pas de pub, puis pas de musique, puis pas d'humour. Ouais, là, c'est rouge et blanc, cette affaire-là. Hein? C'est ça. Ouais, si on veut. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Les commentaires sur Facebook, c'était comme on veut pas entendre parler de vos vies personnelles. Comment ça fait que vous vous tutoyez? Vous êtes supposé vous vous voyez à Radio-Canada? Oh! À la station qu'on nommera pas. C'est quoi? Mais voyons. Hey, attends une minute, là. Faire de la radio, c'est pas crédible. Ça part quand même de partager certaines histoires personnelles. C'est tu peux ça. Pas faire de la radio, tu peux pas te joindre à ton public. Surtout une quotidienne de 3 heures le matin. Oui, et combien de fois on vous compte notre vie, nous autres? Nous autres, on s'en empêche pas. Puis si vous êtes pas content, ben Caroline, mettez vos MP3. Hein? Ben c'est ça, hein? Ou changez de poste. On est là pour se comprendre, être amis, vous, le et public nous? Et nous. Un rapprochement. Exactement. On vous aime. Oui. Tu sais, on vous câline. Et oui, tout à fait. C'est ça, faire de la radio. Je dois mentionner, Mathieu, on me pose souvent la question, pourquoi tu te lèves à 4h45 le matin? Ouais. Parce que ma voix est un instrument qui prend du temps à se mobiliser, à s'échauffer. Et ce matin, peut-être que vous trouvez que ma voix est un peu bizarre. Ouais, je me suis levée en retard. À 6h30. Okay? Je me suis levée de façon naturelle à 6h30, l'heure à laquelle je suis en temps habituel au studio. Et comment t'as fait ça? Je sais pas comment j'ai fait. Je mets toujours deux alarmes. La première à 4h45 pour être sûre que ma voix est bien réchauffée. Et la deuxième, souvent, si je décide de snoozer, elle va se tourner autour de 5h05, 5h15. Hier soir, je l'avais mis à 5h15. Mais j'ai éteint la première sans jamais mettre la deuxième. Oh non! Ouais. J'apprivoise encore mon nouveau téléphone. Un Android, faut le dire, effectivement. Et c'est pas la même chose qu'un iPhone, il faut que je le dise, au niveau des alarmes. Probablement que mon iPhone aurait ressonné 8 minutes plus tard. LG, c'est pas comme ça, si tu dis supprimer, il supprime. Alors, de façon naturelle, j'ai ouvert mes yeux ce matin, dans mon lit, j'ai regardé mon cadran, et il était 6h27, genre. Et tu pars à peu près à ce temps-là de chez vous. C'est ça, exactement. Je me suis jamais habillée et préparée aussi rapidement. Mais t'es là. Je suis là. C'est juste que ma voix n'est pas totalement réchauffée. Excuse-moi, encore. Il faut dire, vous êtes là, Tania. Oui, ah oui. Merci, Tania. Merci, Mathieu. C'est très gentil de votre part. Et aussi, il faut que je vous appelle par votre nom au complet maintenant. Oh, mon Dieu. Tania Baudin. Mathieu Plante. C'est ça. Sinon, vous allez me frapper. Hein, c'est ça. Oh oui, boy. Non? Pas sûr. Je ne suis pas si agressive que ça. Ouais. Plan d'émission. C'est ça, le gag avec. Je viens de comprendre de quoi tu parles. Ouais, ouais, bon, on en reparlera une autre fois. Quatrième fois. Le plan d'aujourd'hui. Oui! Le plan d'aujourd'hui dans l'émission à son âge Ricky. À 7h30, Léa Tessier va être avec nous pour son mashup musical. Elle qui nous parle d'un style musical mélangé avec un autre style musical. Oui. C'est la dernière fois qu'on va la voir aujourd'hui. Un peu comme avec Alexander Brett plus tôt cette année. C'est une chronique à durée prédéfinie et temporaire. C'est ça. Voilà. Donc Léa Tessier à 7h30. Ensuite, à 8h, lui commence. C'est Mathieu Janvier. Il a fait une première chronique la semaine passée. T'étais pas là, donc tu vas pouvoir lui dire bonjour pour la première fois aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Je suis comme excitée. C'est comme du nouveau monde. Oh, oui! Ensuite de ça, ta chronique qui va s'en venir plus tard dans l'émission, Tania's Gonna Entertain You, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui revient souvent sur les étiquettes de mes produits de beauté. Et je suis peut-être la seule innocente qui ne sait pas c'est quoi. Mais ce matin, je vous parle du café vert. Oh. Hein? Pas tes verres? Non, pas tes verres. Café vert. Café vert. Okay. Ça revient vraiment souvent. On croit qu'il y a certaines vertus. Est-ce que c'est différent du café qu'on boit? Je parle de tout ça ce matin. Intéressant. Alors, Tania is gonna entertain ya. Et à la toute fin de l'émission, bien sûr, une grosse pointe d'adresse avec, encore une fois, au moins un invité spécial. Oui. Très, très spécial. Très spécial. S'il ne change pas d'idée d'ici là. Ça se fait que ce soit pas là. Il y a une forte possibilité. Si vous écoutez l'émission, vous savez c'est qui. Écoute, on calcule le taux de pourcentage de participation à chaque semaine. Mais lui aussi, on le câline un peu comme nos auditeurs. Oui, pareil. On l'aime beaucoup. Mais avant ça, on va commencer en musique avec un petit peu de Moby. C'est une entrée du palmarès anglophone qui date de la semaine passée. Voici This Wild Darkness. À Assemblage Rocky. Like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, it's a calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain, I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night, I'll never be free. Moby, This Wild Darkness. Ah, fait du bien, ça. C'était bon? C'est cool, hein? C'était très bon. C'est doux. Oui. Mmh. Maintenant, on va rocker un petit peu plus avec l'intro de 50 secondes de son foutu palmarès. Sur établi une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, habituellement, on peut comme deviner un petit peu le sujet d'une grosse pointe d'adresse en écoutant son foutu palmarès au début de l'émission. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui parce que vous allez voir, c'est un peu bizarre. On va goûter, on va parler de choses en fait qui sont un petit peu soit épicées ou tu sais, qui ont un petit kick de plus. Là, c'est ça la thématique d'aujourd'hui, un petit kick de saveur extrême. On va commencer par les cornichons. Oh, mordi, les pickles. Le pickle. Est-ce que tu savais que la journée nationale du pickle, c'est le 14 novembre? Ah non, je savais pas. Ouais, aux États-Unis, c'est tout à fait vrai. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur cet accompagnement de sandwich. Certainement. Faire mariner comme ça, ça date d'il y a des milliers d'années. Ah ouais? Les concombres sont natifs de la vallée de Tigris en Inde. Ils ont été marinés pour la première fois en 2030 avant JC. Hein? Même si préserver la nourriture dans du vinaigre pourrait reculer encore plus à l'époque de la Mésopotamie. Ensuite, justement, les États-Unis, on a parlé tantôt de la journée nationale du cornichon. L'Amérique a reçu son nom de marchand de cornichons. Ah ouais? L'explorateur italien Amerigo Vespucci fournissait aux marchands et aux marins l'équipement pour leur voyage, dont entre autres les viandes et les légumes préservés. Son surnom, c'était le marchand du cornichon, Pickle Merchant, et ça venait sûrement de ça. L'écrivain Ralph Waldo Emerson faisait référence à Vespucci en tant que pickle dealer, un dealer de cornichons dans son livre English Traits. Le mot pickle vient des Pays-Bas. Ah, ok. Ouais. En hollandais, saler quelque chose ou mariner, ça s'appelle pickle, P-E-K-E-L. Le mot vient peut-être aussi de l'allemand pickle ou pickeln, qui veut probablement dire la même chose. On mange beaucoup de cornichons en Amérique du Nord. Les Américains consomment 9 livres de cornichons par personne par année. Le plus populaire, c'est le kosher dill, donc le cornichon à l'aneth cachère, grâce au nombre de Juifs de l'Europe et de l'Est qui ont émigré aux États-Unis et à New York ou à la fin du 19e siècle. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que c'est vraiment bon, hein? Mm-hmm. Les cornichons à l'aneth, miam, miam, miam. Est-ce que tu préfères les petits sucrés? Les cornichons sucrés. Non, moi, je suis vraiment plus honnête. Les sucrés, ça me roule dans la bouche. J'aime bien aussi, mais mes préférés, je pense, c'est ceux à l'ail. Ben, Annette et Aïe, ouais, Annette souvent, ils sont mélangés, là, ouais. J'adore ça. La laine que ça donne, extraordinaire. Cléopâtre utilisait ça pour garder son apparence. Cléopâtre était apparemment une dévouée du pickle. Elle les mangeait très régulièrement, croyant que ça allait garder sa peau en santé, son apparence comme elle était. Alors que César et Napoléon, eux, pensaient que ça leur donnerait des muscles. Julius César, comme on l'appelle des fois, les autres empereurs romains demandaient aux soldats de manger ces cornichons-là parce qu'ils pensaient que ça allait les rendre plus forts. Napoléon Bonaparte, comme César, appréciait beaucoup la santé de ses troupes. Il fallait qu'il garde la santé. Il a offert 12 000 francs à quelqu'un qui pouvait réussir à garder cette nourriture-là pour les soldats pendant assez longtemps. C'est Shakespeare qui a inventé la phrase en anglais « in a pickle ». C'est comme « I'm in a pickle », je suis dans le trouble. Ouais. On dit pas « je suis dans un cornichon ». Mais non. Ce serait bien. On pourrait commencer à dire ça. Shakespeare utilisait ça pour faire référence à une position difficile que tu aurais dans The Tempest. C'est la pièce de 1611 où Alonso demande à Trinculo « How comest thou in this pickle ?» comment est-ce que t'as fini par se mettre dans ce trouble-là? Et Trinculo répond « I've been in such a pickle since I saw you last. I fear me. We'll never run out of my bones. I shall not fear fly blowing. » Et là, j'ai aucune idée comment on pourrait traduire ça en français parce que c'est du vieil anglais, puis je comprends rien. Les cornichons sont marinés dans des contenants extérieurs à air ouverte. Les compagnies qui produisent des cornichons sur l'échelle massive, donc industriellement, vont faire fermenter leurs concombres dans de gros contenants extérieurs, dans du sel. Donc ça veut dire que tout tombe là-dedans, dont les crottes d'oiseaux et les insectes, mais les rayons UV du soleil et les rayons infrarouges empêchent les moisissures et autres trucs comme ça. Donc quand même, ça reste que l'image est pas très belle. Mm-hmm. Hein? Aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des rations de cornichons. 40% de tous les cornichons produits en Amérique étaient mis de côté pour les forces armées, donc les kits de rations pour les soldats, parce que ça se gardait longtemps, donc on pouvait manger ça quand on avait envie, les cornichons. Hein? Les Philadelphia Eagles, ça, c'est une équipe de... les American Eagles? C'est du football, si je me souviens. Philadelphia Eagles. Philadelphia American Eagles. Eagles, je pense que c'est des 20. Ouais, c'est ça. Philadelphia Eagles, si je me souviens bien, c'est du football. Bon. Donc, pendant une partie du 3 septembre 2000 à Irving, dans le Texas, état des bombes. Hein? C'est en plein, ça. Oui. Quoi? Football? C'est Bravo. Du football. Les températures sur le terrain du Texas Stadium se sont montées jusqu'à 109 degrés Fahrenheit. Hein? Ça, tu sais qu'en Celsius, c'est évidemment... 42 degrés Celsius. Les joueurs de Philadelphie ont bu du jus de cornichon et ont donné le crédit à cette solution-là pour avoir gagné leur victoire de 41 à 14. Les Eagles ont battu Dallas 425 à 167 au final. Et le defensive end Hugh Douglas a dit « Je pourrais peut-être commencer à boire du jus de cornichon quand je suis à la maison pour relaxer. » Une étude a plus tard confirmé que boire du jus de cornichon peut aider à soulager les crampes 37% plus rapidement que boire de l'eau. Jus de cornichon! Mm-hmm. Il y a plein de produits à ça. On a déjà entendu parler de liqueur au cornichon. On a même essayé d'en commander pour la chronique, mais ça n'a pas fonctionné. Un jour, peut-être. Peut-être. Faut trouver du jus de cornichon en boisson gazeuse. Pas le choix! Faudrait aller dans un espèce de magasin bizarre. Ouais, ben c'est ça. Est-ce qu'on a ça à Trois-Rivières, un magasin bizarre? Je suis pas certaine. Ouais, c'est ça. On a parlé de cornichons, maintenant transitionnons à la guacamole. Oh, la guacamole! Oh, est-ce que tu savais que c'est le guacamole? Le guacamole? Ah, oh, j'ai appris hier que c'était de la mozzarella, tu sais. Fait que des fois, le féminin masculin, ça n'a pas de sens. C'est bizarre, hein? La mozzarella et le guacamole, pour moi, c'est comme... Ouais, c'est masculin, le guacamole. C'est bizarre. Je vais te prendre un guacamole. Oh! Non. Un guacamole. Dis-le en espagnol. Ouais, c'est ça. La una guacamole. Je sais pas. Bref, parlons du guacamole. Hein? Oui. La journée nationale du guacamole au masculin, qui est en mars. Je crois que c'est le 24 mars, si je me fie à la date de l'article. Ouh, ça sent bien, ça sent bien. Les avocats, ça recule d'il y a plusieurs milliers d'années, en fait. Mm-hmm. L'avocat qu'on appelait au début Hawakate. Ben oui. A été cultivé et mangé au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud en 500 avant JC. Oh my God. Wow. Les Aztèques, c'est ceux qui ont inventé le guacamole. Ah oui? Oui, lorsqu'ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont découvert une sauce aztèque nommée Hawakamoli. Le moli était un mot qui voulait dire quelque chose de mis en purée. Ah, OK. Alors que Huacatl faisait référence aux testicules. Ouh! Hein? Ou le fruit, en fait, qui leur rappelait des testicules. Ah, OK. Ouais, l'avocat. Donc, c'est purée de testicules, finalement, ben, guacamole. Mais avoue que quand tu penses à un avocat, la forme... Oui, c'est vrai. C'est ça. T'sais? Exact. Ça a bien de sens. Hein? Les avocats ont changé de nom. Donc, au début du 20e siècle, notre fruit pilable préféré s'appelait poire alligator. Ah! Étant donné sa peau okay. rugueuse comme un alligator, avoue. Et ben le vert foncé, ça ressemble à un alligator. Le California Avocado Growers Exchange, un groupe d'échange, s'est plaint en 1927 que l'avocat devrait pas s'appeler une poire alligator parce que tout ça est ça va créer des malentendus. Donc, la poire d'alligator a disparu et le fruit a été renommé Calavo ou Butter Pear, donc une poire beurre, et ensuite Avocado Pear comme une poire avocat avant de devenir finalement seulement avocat. Hmm. Belle transition, quand même, belle histoire. Ben oui. L'avocat a des gens célèbres dans sa famille, des gens comme d'autres fruits et légumes. Oui. Donc, le trade group dont on a parlé d'avocat se plaignait qu'il n'y avait pas plus de nourriture quotidienne associée avec l'avocat. Donc, un membre exalté de la famille des Laurel. Donc, l'avocat est membre de la famille des Lauracées, qui inclut aussi la cannelle et le safras en français. Ça, oui. Je vais aller voir pour être sûr. Le safran. Est-ce que c'est bien ça? Le sassafras, donc, un arbre qui pousse en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Pas la même chose qu'on pense. Bon. Mm-hmm. Ensuite, un facteur a breveté la variété d'avocat la plus populaire. Il y a plus de 400 variétés d'avocats qui poussent partout dans le monde, mais le Hass, qui pousse au Mexique et en Californie, est le plus populaire. Un travailleur du service postal nommé Rudolph Hass a acheté les graines d'un fermier en 1926 et a passé le brevet en 1935. Ah, ouais. Ouais, l'arbre d'origine a fait pousser des fruits pendant presque 70 ans à Labra Heights, en Californie. Mais moi aussi, je savais pas ça. Ouais. La Californie, c'est elle qui domine la production d'avocats aux États-Unis. L'État donc de l'Ouest compte pour environ 90% de tous les avocats qui poussent aux États-Unis. Et puis, on pourrait dire qu'une grosse portion des fermes sont centrées dans une région de 5 comtés dans le sud de la Californie. Ah, OK. Ouais. Les avocats mexicains ont été bannis des États-Unis pendant un certain moment. Ouais. Mais voyons donc. En 1914, les avocats Haas, dont on a parlé tantôt, n'avaient pas le droit d'être importés aux États-Unis à partir du Mexique. Après un débat qui a duré 2 ans, la USDA a enlevé cette règle-là en 1997. Mais les fermes approuvées avaient seulement le droit d'exporter dans 19 États américains. Ils avaient toujours une interdiction de vendre ça en Californie. En 2002, le U.S. Federal Hass Avocado Promotion Research and Information Order, donc vraiment avec promotion, recherche et information sur les avocats Hass au niveau fédéral américain, a été établi. Et aujourd'hui, les avocats mexicains sont permis dans les 50 États. Bon. Chance. Et la plus grosse portion de guacamole qui a été fabriquée pesait autant que certains éléphants. Ouais, un record Guinness mondial a été installé en 2013 lorsqu'un groupe de 450 étudiants de Tancitaro à Michoacán au Mexique ont préparé une portion de guacamole qui pesait 5885,24 livres ou presque 3 tonnes. Les éléphants asiatiques, eux, peuvent peser entre 2,25 et 5,5 tonnes. Donc c'est plus qu'un éléphant asiatique. Et tu fais quoi avec toute cette guacamole-là? Tu sais, ça doit virer brun maintenant. Bon, j'avoue, hein, mais tu demandes à plein de gens de manger des nachos. C'est sûr. C'est sûr. C'est délicieux, avec un petit peu de crème sur là. Nom, nom, nom, nom. Voilà pour son foutu palmarès. C'était pas grand chose, mais quand même, rassasiant. Et je vous rappelle que ça n'a absolument rien à voir avec la collègue de Grosse Potendresse plus tard aujourd'hui. Que je sache. Que je sache. On retourne en musique, on s'en va entendre In avec la nouvelle entrée de cette semaine du palmarès francophone. Voici Feu de paille tout de suite. Assemblage requis. Et après ça, Léa Tessier s'en vient avec son mashup musical. Don't fall. celle qui vota. Oh oh oh aujourd'hui. Pas la chouette qui vota. Oh oh oh aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Ricky, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui, dans quelques instants, Mathieu, on devrait avoir quelqu'un avec nous. Oui, Léa Tessier pour son mash-up musical. J'ai vu un petit peu un avant-goût de ce qui s'en vient, j'ai bien hâte. Mais avant ça, on écoute une pièce de Chris Muir, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Rockwood Asylum. Tout de suite à Assemblage Ricky. I wanna be Soccer Mommy avec la pièce Cool. Assemblage requis. Alors, on était dans son foutu palmarès tantôt, donc on va y retourner quelques instants, le temps que les ATC s'installent. Alors, on va parler de service aux chambres. Est-ce que tu vas dans des hôtels, des fois? Parfois. Ouais. Ben, quand même, on a des petits trucs sur les hôtels, des conseils, en fait, des secrets des services aux chambres. OK. Quand même pas pire. Hein? Ça, on aime ça. Ouais. On dit que plus haut est ton étage, moins bonne la nourriture va être. Ah, OK. On a parlé ici à quelqu'un qui travaille au Waldorf Astoria Hotel. Voilà, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Un spécialiste en hospitalité, oui, qui a passé 10 ans de sa vie à travailler dans plusieurs hôtels de San Francisco. Voilà. Donc, il dit que quand un employé aux chambres amène un cabaret de la cuisine à la chambre, ça va être couvert d'un couvercle de métal pour retenir la chaleur et empêcher les autres gens de peut-être éternuer dessus. Mais plus t'es haut, plus ça prend du temps à l'amener et plus le couvercle garde la vapeur, c'est ça. Mm-hmm. Ça va faire tremper votre nourriture dans de l'humidité. Donc, la nourriture sue et tu vas avoir du pain humide. Plus c'est longtemps sous la cloche, plus c'est dégueulasse. Donc, si tu veux quelque chose de croustillant, installe-toi dans un des premiers étages en bas. Ben, Moses, là, on commence par là. Ben, ouais. Commandez pas de fruits de mer ou de steak. OK. Ouais, parce que le couvercle nuit de d'autres façons. Étant donné que ça garde la chaleur, ça va faire cuire ta nourriture plus longtemps entre la cuisine et chez toi. Chez toi, dans ta chambre. Donc, si tu commandes ton steak médium, il va peut-être arriver médium bien cuit une fois rendu en haut parce que le métal du couvercle va continuer de faire cuire par la chaleur qui est déjà à l'intérieur. Tu peux demander sinon de faire cuire ta nourriture un petit peu moins pour que ça cuise pendant. C'est une bonne idée, ça. Dans l'étage du haut, mais bon, quand même. On dit de peut-être moins manger de fruits de mer et de steak, aller plus avec des burgers, club sandwich, salade, des trucs comme ça. C'est plus difficile à manquer. Ensuite, le chef dans l'hôtel va peut-être pas lui-même préparer ta nourriture. Juste parce que tu vois un menu dans ta chambre, ça veut pas dire que l'hôtel a une cuisine ou même un chef. Pour couper les coûts, plusieurs hôtels font faire ça à l'extérieur et c'est présenté par l'hôtel. Mais c'est fait par un restaurant plus loin sur la rue qui amène les repas. Ouais. On dit aussi que les hôtels peuvent essayer d'économiser de l'argent en éliminant le chef de nuit et en demandant la nourriture d'être préparée à l'avance pour que les gens qui travaillent là ou les employés puissent juste réchauffer ça. C'est très probable sinon que tes sandwichs et tes salades soient les seules choses qui sont disponibles au-delà des heures habituelles de menu. Huh. Ensuite, des fois, les invités vont les inviter à entrer à l'intérieur de la chambre. Hein? Attends, répète. Des fois, les invités vont inviter les gens qui viennent livrer leur nourriture dans leur chambre. Étant donné que les gens qui voyagent pour affaires sont souvent pas à la maison pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils vont se tanner de manger seuls. Mm-hmm. Donc, quand ça arrive, ils vont demander à la seule personne qu'ils peuvent voir dans la journée, le serveur aux chambres. Non, mais triste. Ouais, c'est un petit peu triste, pas mal. On dit, que selon le gars dont on a parlé tantôt, le spécialiste, il s'est déjà assis pour souper ou manger avec Oprah Winfrey qui mangeait seul. Ah, bon, mon quand Dieu. Quand même, cool. Viens t'asseoir. C'est ça, viens-t'en. Il y a un petit truc pour lorsqu'on commande des ailes de poulet dans les hôtels. Apparemment que les cuisines d'hôtels ne portent pas toujours attention aux ailes de poulet qu'ils achètent en vrac, en grande quantité, qui sont congelées. On les fait cuire directement lorsqu'elles sont congelées. Vous pouvez les demander extra croustillantes, comme ça, ils vont être cuits d'un bord à l'autre de l'aile de poulet, ce qui peut être pratique quand même. Ben oui, quand même. Peu importe leur statut de congélation à l'avance, ils recommandent ça à tout le monde de les faire cuire extra croustillantes. OK. Plus cuits. Hein. Ils aiment ça quand tu remplis ton petit carton de déjeuner. Tu vois, moi, je suis jamais dans un hôtel. Je pense que non, c'est ça. Mais les déjeuners, bref, c'est une période très occupée pour les services aux chambres. Oui. Donc, il y a un petit carton qui vous demande de choisir votre menu le soir d'avant et ça aide beaucoup pour tout le monde. Donc, la cuisine peut avoir une idée si tu vas pas au restaurant de l'hôtel. Exactement. Ouais. Si tu commandes aux chambres, parce que c'est quand même une liste sur le service aux chambres. Oui, exactement. On se rappelle. Ils aimeraient mieux que tu répondes pas à la porte nue. Ben oui, clairement, ça serait préférable. Ça arrive qu'il y a des invités qui répondent à la porte nue et c'est pas optimal, selon notre expert ici. Surprend. Ouais, ils disent avoir vu ça très très souvent. Mais bon, ils disent que le serveur aux chambres va probablement essayer d'être discret. Mais quand même, t'es mieux de pas montrer ce que t'as. Ouais, c'est ça. Hein? Ton cabaret usagé les dégoûte. Probablement. Les genres de services aux chambres. Donc, quand tu laisses des restants de nourriture, que tu les laisses là peut-être trop longtemps avant de les remettre sur le cabaret, le truc pour les faire sortir de ta chambre. Voilà. Et même que des fois, d'autres invités qui vont arrêter, qui vont prendre la nourriture, les restants de nourriture dans le cabaret. Dégueulasse. Et des fois, les gens laissent des choses un petit peu dégueulasses dans leur cabaret, dont des condoms, des papiers de divorce et d'autres trucs comme ça que l'expert a rencontré. J'espère que c'était pas dans le même cabaret. Ouais. Ils apprécient vraiment quand tu appelles pour qu'ils viennent chercher le cabaret. Ah, ben oui. Parce qu'ils veulent pas que les cabarets restent dans les chambres. Ben non, puis là, il manque de cabarets. Donc, tu composes le zéro pour parler au service de l'hôtel. Et puis, tu leur demandes de venir chercher le cabaret. Voilà. Et puis, finalement, pour le type, Oui. Apparemment, il faut que tu laisses du tip pour le service aux chambres. Ben oui, c'est vrai. Ben ouais. Donc, les hôtels ajoutent des surcharges pour services et repas à l'intérieur des chambres. Ça peut transformer un club sandwich à, je sais pas, 5$ en quelque chose à 15$. Mais ça veut pas dire que tu dois pas donner de tip parce que ça, c'est pas la faute du garde du service aux chambres, de la personne. Les frais de service, à l'habitude, vont directement... Ah ben non, tiens, justement, au contraire, les frais de service dont j'ai parlé tantôt vont directement aux employés, apparemment, qui amènent la nourriture à ta chambre. Donc, pas bouger de tipper, c'est ce que ça veut dire. C'est déjà la femme de ménage. Aussi. Ou les gens qui. Mais eux autres t'ont donné un petit chocolat des fois. Fait. Ben, ça dépend dans quel hôtel. Ça vaut plus de tips. Ouais, c'est ça. Ouais. Motel Roger, je suis pas sûr. Peut-être pas. Bref, ça dit que les charges de livraison et de service se sont données au serveur, à la personne qui l'amène à ta chambre, ou c'est pareil entre les gens qui ont répondu au téléphone et qui sont allés chercher les cabarets. Ah, ben oui. Voilà. Pas pire, hein? Quand même. Voilà pour ce petit bloc additionnel de son foutu palmarès. Juste à temps pour évidemment accueillir les ATC qui s'en viennent dans quelques instants, mais quand même, on va pas l'amener en onde comme ça sans le prévoir. Mais non, là, woman it. Donc on va écouter une pièce de Milk and Bone. Que tu commandes ça des fois au service aux chambres, du lait? Ben, pas moi, personnellement. Les os, non? Je sais pas. Non. La pièce Nevermore. C'est rare que je commande aux chambres. Non? Avec Nevermore, j'étais curieux de savoir parce qu'il me semble qu'elles ont l'air de dire Nevermind, mais le nom de la pièce c'est Nevermore. J'ai cherché les paroles et effectivement c'est Nevermore. Oui, en effet. C'est juste qu'elles prononcent pas comme faux. Ben, parce que c'est vraiment écrit dans les paroles Nevermore. Ben, c'est ça. On peut pas vraiment juger. Là, je... En tout cas, hein? C'est peut-être l'accent. Hein? C'est ça. Incompréhensible des fois les accents, n'est-ce pas, Léa Tessier? L'accent québécois, est-ce que tu commences à l'apprivoiser un petit peu? Oui, un peu. Un peu? Enfin, moi, je ne le parle pas. Mais... Non, tu ne parles pas, mais tu nous comprends quand on te parle. Oui. OK, tant mieux. Léa Tessier est là pour une dernière fois pour son mash-up musical. On regrette ton départ. C'est bien malheureux, mais quand même, on a eu du fun avec toi. Et tu nous parles toujours de mélange des styles musicaux. Oui. C'est la chronique qu'on fait pas mal toutes les semaines. Mm-hmm. De quel style musical mélangé est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler d'un mélange de rap et de musique classique. Oh, mais okay. j'ai pas trouvé le nom, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Ben, c'est ça, ils ont l'air de dire des fois hip-hop symphonique, mais je pense que c'est un nom qu'on a comme probablement inventé. Ben, c'est sûr que tous les noms sont inventés. Mais... Ben oui. Je sais pas si c'est officiellement le nom en tant que tel. Mais bref, le mélange entre le hip-hop, le rap... Et le classique. Mais pas la différence entre le rap et le hip-hop, on l'avait déjà expliqué avec toi. Oui, c'est... Le rap, c'est un des composants du hip-hop. Le hip-hop, c'est la culture. Ouais. Le rap est le style musical. Voilà. C'est ça. Alors, allons-y. C'est... Bah déjà, pour rappeler la musique classique, quand je parle de musique classique, c'est la musique qui date de 1500 à 1800 à peu près. OK, c'est quand même assez précis. Juste pour... ouais, voilà. Genre Mozart, Beethoven et tout. Juste pour... Pour dire. Ouais. On en avait déjà parlé dans le métal néoclassique. C'est vrai? Oui. Voilà. Bah, sinon, il y a trois raisons pour lesquelles je trouve que le rap, ça se mélange bien avec la musique classique. Mm-hmm. C'est parce que déjà, ça permet aux jeunes d'écouter de la musique classique au lieu d'écouter du rap. C'est vrai. En effet. Les vieux, je veux dire. Sans vouloir les offusquer. Ouais, non, c'est ça. Hein, c'est... Je sais pas s'il y a des vieux qui écoutent cette radio. Mais... Je sais pas. Peut-être. Sûrement. Ça dépend des émissions. C'est tellement une radio à la carte où il faut choisir son émission. Ouais, c'est ça. C'est des fois, on a des émissions de musique classique, des fois, on n'a pas. Des fois, on a des émissions de blues, des fois, on n'a pas. Ça varie tout le temps de moment en moment. Donc, notre public a tendance à, j'imagine, varier pas mal avec les saisons. Ouais. Ouais. Puis, sinon, dans le rap, en fait, en général, on fait pas attention à la musique, vraiment. Enfin, c'est juste un son. Un prétexte pour parler. Ouais, voilà, c'est un sample. Je sais pas si ici on dit sample ou sample. Sample. Ouais. Bah, c'est juste un sample qui est joué en boucle en fait en arrière-plan. Et on écoute surtout le rappeur qui parle et on aime bien l'entendre parler très vite aussi. Ouais, c'est toujours impressionnant quand même. Voilà, puis là c'est vraiment, il y a de la musique, de la jolie musique derrière, ça met le texte en avant en fait. Donc c'est bien. Exact. Et sinon, c'est vraiment un mélange de deux mondes, parce qu'en fait, le rap, ça vient de la cité à la base. Enfin, c'est les pauvres et les rejetés de New York. Et le classique, c'était plus les riches, les nobles. C'est ça, exactement. C'est vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Voilà. Donc, en fait, il y a des rappeurs qui peuvent chanter avec un orchestre. C'est assez compliqué, parce qu'en fait, il faut que le chef d'orchestre réussisse à les rendre harmonieux en fait. Oui, c'est ça. J'imagine à être à la même vitesse et oui, c'est ça. De pouvoir s'adapter au rappeur. C'est ça. Bah, en fait, le rap, dans le rap, la musique elle est assez lente. Ouais. Parce que c'est inspiré de la musique du 16e siècle justement. Okay. Donc, bon, ça encore ça va. Mais il faut réussir à rendre les voix et les instruments harmonieux parce qu'en général, dans la musique classique, il n'y a pas de voix parlée. Mm-hmm. C'est surtout il n'y a pas de voix ou alors c'est des choristes. Qui font la même mélodie que les instruments. Voilà. Mais sinon, il y a Radio France qui a fait ça en juillet 2016. Qui a. En fait, c'était plein de rappeurs français. Je sais pas si ici vous connaissez les rappeurs français, mais il y avait Big Flo et. Un peu. De pas lesquels. Ouais. Big Flo et Oli. Vous connaissez ou non, je savais pas. Non. Ah mince. Bah, ils deviennent très connus en ce moment en fait. Ok. Il y avait Youssoupha justement. Bah, on va écouter une pièce de lui. Ouais, ah, lui, ça me dit quelque chose par exemple. Ouais. Pour vrai? Ouais. Ça me dit rien. Bon, on va l'entendre, puis on va bien le découvrir ensemble. La pièce s'appelle Menace de mort. C'est dans le mash-up musical. Comme d'hab, on fait avec, c'est vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indiques, les dizaines gentlemen. Et dans leurs bêtises, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul à la place de Rorelsan. Bon, c'est clair que j'aurai le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Il défend la cause des frères au sud qui rêvent du nord et ma liberté d'expression en chute et sous menace de mort. Dire, il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps, irrémédiable. Dire, les sentences sont inégales. Je fais du rap, est-ce que temps est illégal? Dire, il est grand temps que ça déménage. Jamais de temps irrémédiable. Yeah, les temps sont inégales. J'fais du rap. Depuis le temps, j'guettais ce type qui nous traite à la vapquette. Mais parle de race en tête et puis nous traite d'analphabète. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. Je ne tends pas la joue comme celui qui a vu le jour à Bethlehem. Une seule ligne dans la force de le dire, où j'exprime tout mon mépris et là ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond chez ce bouffon de Morandini, mais sans rancune. De ma plume je connais le tarot et la droite se déchaîne, m'affiche à la hutte du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous ne sommes pas du même monde, l'hexagone va mal, mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement rappelé celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe ou qu'on menace de mort. Hier, yeah, il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de tendance irrémédiable. Hier, yeah, les sentences sont inégales. Je fais du rap parce que tendance est illégal. Hier, yeah, il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de tendance irrémédiable. Hier, yeah, les sentences sont inégales. Je fais du rap. Bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans mes propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans mes propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Yeah. Yeah, yeah. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Yeah, yeah. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Yeah, yeah. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Qui peut prétendre? Qui peut prétendre? Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Youssoufa avec une menace de mort. Oui, oui, live devant public. Ça paraissait pas au début, mais quand même, maintenant que les applaudissements, là, on s'en rend compte. Ouais, c'était vraiment un live avec... c'était un orchestre avec la cinquantaine de musiciens okay. sur la scène, et puis il y avait les rappeurs qui étaient devant. Ça doit être encore plus impressionnant à voir qu'à entendre. Ouais, bah c'était très joli, j'ai vu des vidéos. Ouais, c'est live à Hip Hop Symphonique, la vidéo est sur YouTube. Ouais. C'est bien ça. Donc c'est toujours le mash-up musical avec Léa Tessier pour la dernière fois. Et aujourd'hui on parle de, entre guillemets, Hip Hop Symphonique, mélange entre rap et musique classique. C'est à plein ça. Nommez ça comme vous voulez. On n'a pas encore réussi à trouver le terme exact. Ouais. Rap classique, c'est celui au poulet, je sais. Ouais. Le gag de Tim Hortons, c'était moyen. Terrible. Bref, on disait donc, Léa. je voulais juste dire, en fait, la chef d'orchestre, elle est québécoise. Ah, oh, pas vrai? C'est bien ça. Elle s'appelle Dina Gilbert ou Gilbert. OK. Je sais pas comment ça dépend dit. Des fois, s'il y a un U, c'est Gilbert. S'il n'y a pas de U, c'est Gilbert. Ouais, Gilbert, alors. Gilbert. Ouais. Cool. Et elle dirige l'Orchestre symphonique de Montréal aussi. Ah, ah oui. Voilà. Ils sont bons. J'aime ça, les orchestres symphoniques, moi. Je trouve ça cool. Ouais, c'est joli. Ouais, très joli. Ensuite? Sinon, en fait, pour faire du mélange de rap et musique classique, il n'y a pas forcément besoin de jouer devant un orchestre. Okay. On peut aussi juste sampler, en fait, des morceaux de musique classique. Oui. Et on remercie David Ferron de nous avoir souligné que le terme français pour sample, c'est un échantillonnage. Mais tu vois, même une Française avait jamais entendu ce mot-là, en fait. Ouais. On peut échantillonner des morceaux de musique classique. C'est pas beau, hein. Et c'est par exemple ce que Nas a fait avec des morceaux de Lettre à Élise de Beethoven. OK, wow. Ouais. on connaît tous. En tout cas, on les connaît lorsqu'on entend la mélodie. Ouais, c'est ça. Les musiques classiques, c'est rare que je me rappelle des titres. Mozart, Beethoven, ouais. C'est souvent des longs titres. Ben, c'est genre 12e ouais. symphonie du 42e album. C'est ça, laquelle est laquelle. C'est ça. Et puis, vu qu'il n'y a pas de paroles, c'est difficile de mettre un mot sur chaque chanson. Ouais. Et là, c'est juste lettre à Élise. Simple comme ça. Simple. C'est celle-là qui l'a repris sous le nom de I Can. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Bon, on l'écoute à l'instant. Toujours le mash-up musical. Ça va être bon, ça, je suis sûr. Mm-hmm. The world and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs Lena Horne, but the younger version hung with the wrong person, got a strong one that sniffing up drugs all in her nose, could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Boys and girls, listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see, as cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, before you meet a man with HIV, you can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my age and can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can, I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be, I'll be where I wanna now, be. Go. We came to this country, we were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books, to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded, they heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked, slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He was in shock that the mountains were black faces, shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters. Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing. Hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can, be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Nas avec sa célèbre pièce I Can. Save the music, y'all. Quel classique. Tellement. Save the music, y'all. C'est fun parce que c'est une pièce avec un message. Oui. Tu sais que tu peux être tout ce que tu veux être, que tu peux accomplir tout ce que tu veux. En plus, ça fait découvrir de la musique classique aux jeunes, ce qui est quand même assez rare. Mm-hmm. Hein? Puis en plus, ben, c'est une chanson à répondre. Fait que tu chantes ça à cabane à sucre, tout le monde est content. entre les oreilles de Chris et les petites. Hey, sac pas. Ben là, one minute, là, platine d'arabe. Oreilles de Christ. Est-ce que tu as écouté Léa Tessier aux oreilles de Christ? Est-ce que tu es allé à la cabane? Ouais, c'est ça, c'est la grande question. Est-ce que tu as été à la cabane à sucre? Non, pas encore. Oh. Il te reste pas beaucoup de temps, c'est pas. Mais non, ça commence, là. Ça commence. Ouais. Ah, ben, mais ça. Ouais, ça se peut. On a manqué hier la tire sur la neige. Il y avait ça dehors, là, j'ai organisé ça. On a manqué, ça finissait trop tôt. Tu as été? Non, je suis pas allé non plus. Ça aurait pu être au moins ton premier pas vers la cabane à sucre, voyons. C'est vrai. Première léchée de sucre sur un bâton de bois. Espèce de prude! c'est où la cabane à sucre? Ben, y en a plusieurs. C'est pas une seule cabane, en fait. C'est pas la cabane à sucre, c'est une cabane les à sucre. Les cabanes à sucre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a des c'est meilleurs que d'autres. Il y en a des vraiment meilleurs que d'autres. Il y en a des vraiment très, très chers. Oui! Ma famille est en train d'organiser une dans une cabane qui est vraiment extrêmement chère. Ouais. Fait que là, tu vois la conversation, tout le monde fait « je paye pas ça ». C'est trop cher. Non, je ne paye pas ça. Les petites saucisses dans le sirop d'érable. Oui. Ça vaut la peine. En fait, une fois que le sirop d'érable est dans l'assiette, là. T'es fait, tu sais, t'es correct, t'es en business. Tout est dans le sirop d'érable. Exactement. En tout cas. Ah, tu sais, on est Québécois et ça paraît. Hein? Ouais, mais moi, j'ai jamais trippé sur les cabanes à sucre. Non? Non. J'aime pas le jambon, à la base. Donc, le ballonné. Si je vais, mettons, à la cabane à sucre, là, je vais manger juste des œufs puis des petites saucisses. Fait que t'sais, le calcul. Les crêpes, ils baignent dans l'huile, j'aime pas ça. Oh, ces crêpes-là sont fantastiques. Les crêpes de cabane à sucre, là. C'est des crêpes soufflées, là. Soufflées, épaisses, croustillantes. Bref, t'sais, on pourrait aussi faire participer Léa dans la chronique aussi, t'sais, vu que c'est sa chronique. Mais est-ce que t'as l'intention d'y aller? Oui. Oui, j'aime bien le sirop d'érable. Voilà, valeur sûre. Ça va te convaincre dès le début. Oublie pas ton. C'est quoi? C'est le diabète, ça t'amène quoi? Ton insuline. Ton insuline. Bref. On parle aujourd'hui dans la chronique du mashup musical de hip-hop symphonique / rap musique classique. Ouais. Quelque chose comme ça. Il nous restait. En fait, on a entendu Nas. Oui. Et là, on s'en va entendre tantôt Vinny quoi? Vinny Paz et Stoop. C'est ça le prochain? Featuring, c'est ça? Animal Rap featuring Kool G Rap. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est, ça. Bon. C'est juste le nom du groupe, c'est Jedi Mind Tricks. Ah, c'est ça, ok. D'accord. C'est un duo de rappeurs américains. Ok. Tu les aimes? Hein? Tu les aimes bien? Oui, je les aime bien. Est-ce qu'on les écoute, là? Bah ouais. Bah pourquoi pas. Donc, Jedi Mind Tricks, tout de suite, dans le mashup musical. C'est la dernière pièce. Ouais. Yeah, nigga. And why the Philly? What y'all niggas feel like? Drama? Cool, Jiggy Connor. That's the case, nigga. You know the darn arm for 16. And I do harm for this big green. The whips and the carrots. But like the Knicks and the Mavericks. Slipping the fabrics. Pull up with some bitch shit. The tennis shit. Hitting the hazards. Spot a bitch with that Chris habit. Gotta have it. Fuck shorty. It's in a OT with a brick in the baggage. Roll where the club's at. Slip with a rabbit. Chick only lick dick status to get cabbage. Chicken lavish to the Dick Baptist. Who back on the map? Giancana with a vengeance. It's drama to the finish. Put the llama to your appendix. The squeeze and the slug. Gunpowder. Season your blood. I'm a legend, breathing the reason you thug, nigga. This where the buck stops. Yeah. Fuck rocks, fuck shots to the top. Money, what the fuck you forgot? Thought I was done and wasn't touching the block. Still real busting the Glock. Put it where you can see it. Black. What up now? Loud and bogus. I'm talking bogus because I'm angry with what I've experienced all my years through this, and I'm just angry. They went out there to write me angry too, but that's just how I express myself. There it is. Yeah. Yo, what's the motherfucking path to this? Y'all believe lies like y'all was Catholics. I rap in Arabic, so my message is just immaculate. My rap elaborate. Drink a 40 and blaze a sack to it. My aim is accurate. Take your brain and blow out the back of it. I'm salty. Miserable cat that slaps shorties. Looks kinda resemble that. A fat Pauly. I don't even clap, young boy. Clap. Chain hang down on my dick, I'm that gaudy. I don't even fuck with you cats, you rap poorly. I don't even buck at you cats, you that corny. With a whack army, we barking at you. If any pass, hold a hammer like a carpenter do. You should understand that I ain't really fucking around. And if you don't, you're gonna find your body stuck in the ground. We bucking them down, cause that's how wrong my life is. Y'all don't overstand how fucking strong my wife is. I'm from a time where every song was righteous, before rap was just a swarm of white kids. And y'all a witness to the dawn of heightness, or just another victim to the pawns and shysters. I feed your corpse to a swarm of vipers, let them suck the blood till your form is lifeless. What? Fucking Vinny Paz, daddy. Jedi mind tricks. Yeah, yeah. For press use only, Baby Grand Records. This motherfucker, stronger than ever. What? You fucking crumb. Holla back. I'm a man, I listen. I'm not afraid to die, I'm not afraid to waste my life, but when I die, I'm going to paradise. And I'm not worried, so I'm in a hurry to die. But no one's gonna disrespect me, and no one's gonna write nonsense about me without me retaliating back. Ah, c'est intense! La pièce Animal Rap! Par Jedi Mind Tricks, ça c'est Vinny Paz et Stoop, là, en parenthèse, mm-hmm. C'est comme leur nom de super-héros, c'est Jedi Mind Tricks, on comprend. Featuring Kool G Rap. Et je faisais mes petites recherches, Léa, Tessie, pour apprendre en fait que la chanson met en vedette un échantillonnage orchestral intense composé de la musique incidentale, donc la musique qu'on retrouve en arrière-plan pendant que l'action se passe, dans le film The Bonfire of the Vanities. Et ça en français, c'est le bûcher des vanités. C'est ça, bûcher des vanités? De la des vanités, oui. C'est un film avec Tom Hanks sorti en 1990, mais bref, c'est de la musique orchestrale, donc avec des vrais instruments, puis avec du rap par-dessus. Okay. Je croyais que c'était vraiment de la musique très vieille. Non, mais c'est de la musique classique quand même, au moins dans le sens pas classique, mais symphonique. Ouais, ok. Si on veut. Bref, moi je trouve que ça compte dans ton mash-up musical où on mélangeait aujourd'hui le hip-hop, le rap et la musique classique. C'est un beau mélange, moi, je trouve. Pas mal bon, je trouve aussi, un ouais. De tes meilleurs. Est-ce que tu te rappelles de la liste au complet de ce que tu nous as présenté depuis tes dernières chroniques? Oh non. Oh non, t'as peur. Il y en a une dizaine. Ah, il y en a une dizaine, hein, c'est trop long. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé le Sika Punk, en tout cas. Oui, c'était bien. Et le Rap Rock. Rap Rock aussi. Je pense que je mettrais ça sur le sommet de la liste, moi aussi. Mais malheureusement, c'est tout pour le mashup musical. Ouais. Donc, on te remercie d'avoir participé à l'émission depuis les dernières semaines, les derniers mois même, je dirais. Tu t'es trouvé un emploi. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas gros emploi, c'est dans un hôtel. Oh, dans un hôtel! Félicitations. Du ménage. C'est ben, quand même. Ben, quand c'est même. Bien. C'est bien, on a fait une liste tantôt sur les hôtels, ça tombait vraiment sur un drôle de hasard. Peut-être ouais. Que tu auras des secrets à nous révéler un jour. Peut-être. Je reviendrai exprès. Ouais, c'est ça, juste pour ça. Nous raconter qu'est-ce que tu as trouvé. merci, Léa Tessier. Ben, merci, c'était cool. C'est très cool. À la prochaine fois qu'on se croisera dans les corridors de l'hôtel. Oui, c'est ça. Voilà, on prend une pause au retour. C'est le moment de la deuxième chronique de Mathieu Janvier sur les jeux de société. On parle de jeux en famille. Je l'ai rencontré, là. C'est fait. C'est fait. Les présences sont prises, les oui. Poignées sont serrées. Exactement. À tantôt.

Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ouais, ok. C'est ça. Ça se joue vraiment, tu sais, à notre tour, on peut faire un mouvement, une action. Ok. Là, tout le matériel est oui, de oui, gros. Des genres de grosses tuiles de carton, ouais. Là, carrés, ouais. Ronds, oui. Trucs comme ça. Fait que, simplement, à notre tour, on peut se déplacer de un chemin. Mais si on a creusé comme dans la forêt déjà, ben là, on peut se déplacer plus okay. De chemin gratuitement. Je vois les petites statuettes. Ouais, t'es vois. Ah, ça, oui. Ça, cette compagnie-là, c'est Days of Wonder. Ça a toujours été une qualité, compagnie hein. Qui font des jeux très beaux, de très bonne qualité, durables. C'est vraiment là, dans les tops là, de qualité depuis toujours. Sûrement un peu plus cher, plus que d'autres. Oui, ça, c'est souvent des jeux qui sont pas en bas de 70. Mm-hmm. Cette 70 compagnie-là. Oh, oui, là, j'ai okay. Pas parlé des prix pour les plus gros jeux. Là. Mais des fois, on peut vraiment... Tu sais, Arena for the Gods, c'est comme 45. Là. Okay. OK. Fait qu'il y a vraiment des jeux qui peuvent être extrêmement intéressants, mais sans avoir un très gros prix. Mais c'est sûr que quand on tombe dans des plus gros jeux, puis je vais éventuellement en parler, là, mettons des gros jeux avec des figurines, là, mm-hmm. Ça, c'est dans les 100 et plus. Mais Days of Wonder, c'est souvent 70 et plus. Je voyais au dos de la boîte de Relic Runners 10 ans et plus. Oui, c'est ouais. Ça, là, parce que il y a un petit peu plus de choses ouais. À prendre en compte. Mais un enfant habitué à 8 ans, il va peut-être y jouer. Oui, ça dépend du niveau de compréhension. Ouais, mais si oui, c'est un petit peu plus exigeant. Si tu commences avec des jeux plus simples au début de leur oui, oui, hein? Mais c'est ça. Ou même juste, tu sais, habitué à jouer à des Guessou puis des oui, labyrinthes, tu sais. Faut juste qu'ils soient habitués au principe de jouer chacun son tour, d'attendre des mécanismes. Oui. C'est des choses, des principes de base. Faut qu'ils apprennent aussi de quel côté on roule dans oui, un jeu de société. Dans un jeu, hein? Des fois, ça va dans le sens des aiguilles, d'autres fois, c'est le contraire, mais dépendant de comment ils feel. C'est vrai. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est toutes ouais. Des choses que quand ça, c'est déjà acquis, ben là, après, on peut explorer des nouvelles choses oui. Parce qu'on sait qu'il y a des bases déjà là. C'était vraiment le fun, tout ça. Plein de choses à acheter. C'est pas. Tu sais, 70$, on dit, bon, c'est cher, mais tu sais, un jeu vidéo, c'est aussi 70$. Ouais, c'est ça, exactement. Faut voir sur quoi puis le jeu, ben, on le garde, puis on joue à l'infini aussi. Exactement. Mm-hmm. Tous les jours. Tous les jours. Voilà donc pour les jeux de famille. La semaine prochaine, tu peux parler la semaine prochaine, je vais parler des termes. Donc là, j'en ai pas trop utilisé. J'ai essayé de me garder un peu le champ libre. Mais mettons, on parlait d'aventurier du rail, ouais. Le fait de ramasser des cartes. En le anglais, jargon, ils appellent ça. Le... Ouais, ouais, ouais. Du jargon. Set collection en anglais. Dans Bells, il y avait le fait de pouvoir aller chercher d'autres cloches. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle push your luck. Ça va être un peu un épisode anglophone. Oh, je vais essayer de donner les noms français, mais souvent, il n'y a comme pas de traduction. Ouais. Là. Ça a été éducatif. Donc, une chronique vraiment attendre pour après ça comprendre le reste des chroniques. Mais parce que souvent, c'est ça qui fait en sorte que tu comprends ou tu comprends pas le jeu ouais. Aussi. Oui, mais c'est aussi une façon de... Quand on en parle des jeux, mm-hmm. Si moi je dis, ah ben moi j'aime beaucoup le style roll and move, ouais. Rouler et se déplacer, comme Monopoly. Ouais. J'aime beaucoup ces mécanismes-là. Mais ben, si je te dis que ce jeu-là c'est un roll and move, ok, ben je sais c'est quoi ça. Okay, ouais, en quelques ça. Mots, on explique comme le mécanisme de jeu. Pour pas avoir à tout le temps raconter ouais. Par plusieurs paragraphes. J'aimerais ça, quand tu vas le chercher, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Que ça va être vraiment un glossaire utile. Ah, j'ai hâte. Fun, hein. M'amener une feuille, puis un crayon, puis un papier. Je t'enverrai une copie au pire. Ouais, merveilleux. Balle de diffusion, hein? Oui, oui, YouTube. Oui. YouTube. Oui, c'est vrai, YouTube. C'est Mathieu Janvier, expert en jeux de table, jeux d'auteur. Hein, j'ai vu pour la première fois les noms. Là. Maintenant que tu oui. Nous as parlé, j'ai remarqué qu'il y avait ouais, un mais nom. Mais là, c'est Crypti, là, ouais, sur les boîtes. Mais oui. Il y en a un autre, là, Dice Town. Il y a deux noms en dessous. Ouais, ouais, ouais, oui, il y a deux auteurs, celui-là. J'en nommerai plus des auteurs à l'avenir. Génial. Mathieu Janvier, donc, on se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les jeudis matin à partir de 8h. Genre, à l'entour là, ouais. À peu près. Commencer en retard aujourd'hui, c'est pas grave. Merci, Mathieu Jean. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Maintenant, on écoute une autre pièce. En fait, on va passer à la pause. On est en retard, c'est pour ça que je t'ai tout mêlé dans mes airs. On passe à la pause. Après ouais. Ça, plus tard dans l'émission, Tania is gonna entertain you. Il y a ouais. Aussi une grosse pointe d'adresse. Tout ça à venir. Restez là. Like I could sleep for days.

did you do today? What did you do today? What did you do to me? Pour la période du 19 au 25 mars 2018. En numéro 1 francophone, on a entendu Hubert Lenoir avec Fille de personne 2 sur l'album Darlene. Tout le monde parle de ce Hubert Lenoir. Oui. Et en numéro 1 anglophone, Crow Wheatsman avec Jaded sur l'album Crow Wheatsman. Donc, c'est des plus Corridor et Allomold avec Queensland. Eh bien non, sachez-le, non, ça non, a changé. Ça a changé. On prend une pause au retour. On a non seulement une grosse pointe adresse qui s'en vient, mais en plus, la chronique de Tania. Oui! Tania is gonna entertain ya. Restez là. Troisième heure et plus d'Assemblage requis en ce jeudi 22 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Plus tard, dans une demi-heure environ, un petit peu moins, on va faire une grosse pointe d'adresse. On va avoir des invités spéciaux tout à l'heure. Oui. David Ferron va être avec nous. Salut David. Salut. Salut. Marianne Chartier-Boulanger va aussi être avec nous tantôt. Salut Marianne. Allô. Allô. Mais avant ça, c'est le moment de faire la chronique de Tania. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania and she's gonna do Daniel, aujourd'hui, je sais pas ce que c'est vraiment ton sujet, mais ça ressemble à du café vert. Ouais, bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs produits de beauté qui indiquent dans les ingrédients, qui est composé de café vert. Mm-hmm. Puis je suis peut-être la seule au monde qui sait pas c'est quoi du café vert, mais je vois ça de plus en plus un peu partout, que ce soit en alimentation, que ce soit en termes de produits de beauté, donc dans les crèmes, que ce soit dans des sérums. J'ai vraiment eu un point d'interrogation à savoir si c'était pas juste du thé vert, du café vert, parce que dans ma tête, ça fit pas, tu sais, du café, c'est noir. Mm-hmm. C'est quoi cette bibitte-là? Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que le café vert? Aujourd'hui, je vous en parle un petit peu. Je vais vous parler des vertus du café vert aussi et qu'est-ce que ça amène dans une vie et la différence café vert, café noir, parce que ça existe. Mais il faut faire des théories avant. David, qu'est-ce que c'est selon toi du café vert? C'est peut-être juste une autre culture de café en tant que telle. OK. Marianne? C'est pas du café peu torréfié? Ah, peut-être. Moi, je veux dire... C'est du café qui te donne un super pouvoir à la Hulk. Ben oui et non. Peut-être que si on fait un mash-up de toutes vos réponses, ça va amener à la bonne réponse. En fait, le café vert, c'est composé de graines de café. Donc, c'est carrément ce qui découle des arbres de café. Mais comme l'a dit Marianne, c'est qu'il n'est pas torréfié. Ah, il a pas été non, c'est ça, exactement. Bravo. Donc il a pas encore été torréfié, d'où la couleur verte. Parce qu'il faut comprendre, c'est que notre café qu'on boit a été torréfié et ce qui donne la couleur, c'est la torréfaction. Donc à la base, la graine de café, elle est verte. Wow. La saveur est extrêmement acidulée. Par contre, si on regarde la torréfaction à ce moment-là, quand on veut obtenir notre café qu'on boit à chaque matin, bien les graines de café vont devenir beaucoup plus brun et le goût va devenir beaucoup plus amer. Donc on va perdre de cette acidité là. Mais on va tout simplement changer le grain. Donc, on va changer le goût, on va changer l'aspect aussi. Et malheureusement, bien, l'absence presque complète là, de l'arôme de café dans le café vert. Donc, ça sent pas du tout le café qu'on connaît. Mais c'est apprécié, par contre, des amateurs de café. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ces petites graines de café-là qui n'ont pas été torréfiées, bien, c'est beaucoup plus riche en composantes que le café qu'on peut boire à tous les matins. C'est pourquoi on l'utilise dans plusieurs produits. Ah, oui. Et qu'on se doute pas nécessairement tout le temps. Il faut vraiment commencer à regarder les ingrédients. C'est pas assez populaire pour qu'ils le mettent en gros dessus. Là, parce que ça dépend de quelle vertu tu parles. Là. Si tu vas te chercher une crème, puis en gros dessus, c'est marqué avec café vert. Okay. Vous allez voir tout à l'heure que c'est probablement à cause de ces vertus que vous allez aller chercher quelque chose où l'ingrédient premier est le café vert. Parce que oui, il y a des vertus à tout ça qui sont complètement différentes que juste te garder éveillé le matin. On s'entend. Mais vous vous demandez probablement comment ça se fait tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a du café vert? Pourquoi est-ce qu'on a du café brun? Bien, c'est grâce à un ingrédient qui est quand même assez spécial, qui se décompose dans le processus de combustion, donc lorsqu'on veut faire ce fameux café qu'on va consommer. Et c'est pas présent dans le café noir. Donc, il s'agit en fait de l'acide chlorogénique qui est en combinaison avec la caféine qui réduit l'absorption du sucre dans l'organisme et ça empêche son accumulation sous forme de graisse. Donc, le café vert, en théorie, si on prendrait un grain de café vert et qu'on décide de croquer dedans comme ça, automatiquement, le goût va être beaucoup plus acide. Ça goûtera pas le café, mais ça va être beaucoup moins gras. Quand on boit un café, on l'a déjà dit, toi et moi, on a cette espèce de goût huileux-là. Ouais. Le café vert, c'est pas ça. Okay. Mais par contre, si vous buvez du café vert, c'est pas tant sûr que c'est bon pour la santé, OK? Ah. Ça va s'utiliser de façon complètement différente que celle du café qu'on connaît habituellement. Et les recherches sur les propriétés de l'acide chlorogénique ont été menées sur plusieurs groupes, en fait, de personnes. Et à chaque fois, les résultats ont montré l'accélération de la perte du poids chez les personnes. C'est pourquoi la plupart du temps, ou du moins dans les derniers temps, on voit beaucoup d'ingrédients avec café vert à l'intérieur. Oh, ouais. C'est que c'est rendu une espèce de mode que d'utiliser le café vert comme moyen de perdre du poids. C'est intéressant, ça! Mathieu est comme « Ouais! Moment vert du café vert! » C'est un peu dubitatif. Ah ouais, mais toi, t'as pas besoin de perdre du poids, la ville. Non, c'est pas à cause de ça, mais à chaque fois qu'on annonce le miracle d'un produit, il faut toujours qu'on trouve les bémols derrière, c'est important. Mais oui, ça. Exactement. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas terminé aussi. Ah! Si tu regardes ça comme ça, fait juste 5 minutes de commencer. Donc, la partie la plus intéressante, en fait, dans le commerce de cette plante-là, c'est la semence de Drupa. Donc, c'est une partie qui est charnue, qui est jetée ou qui est utilisée à des fins secondaires. Et c'est là qu'on va souvent garder tout ce qui est café vert et qu'on n'utilisera pas le même type de grains ou tout simplement les mêmes types d'ingrédients pour se faire notre cocktail matin. En Italie, le café qui est noir ou grillé, bien en réalité, c'est pris à partir de drupa qui sont verts et par la suite, on les a torréfiés. Donc, ça crée notre espèce de texture là, et notre goût du café qu'on aime bien. Si vous aimez le goût des espressos, bien c'est qu'il a été torréfié encore plus longtemps. Exactement. Donc, on parle de saveur qui est extrêmement délicate, presque même anonyme au niveau du café vert. Si, comme je le disais tout à l'heure, si vous prenez un grain de café vert puis vous croquez dedans, vous n'allez pas avoir l'impression de croquer dans un grain de café. Mettons parce que t'en auras pas garni de yogourt ou de chocolat. Là, non, c'est ça, exactement. Comme les grains de chocolat, parce que c'est pas du tout le même goût que ce qu'on connaît habituellement parce qu'il y a eu aucune torréfaction. Okay. La grande différence, en fait, entre le café vert et le café noir, bien, c'est justement cette espèce de traitement de torréfaction-là, donc le grillage qui améliore de façon quand même assez positive certaines caractéristiques des grains de café. Mm-hmm. Là, on s'entend. Si on regarde au niveau gustatif, ben, c'est pas mal plus bon au goût le café que si vous décidez d'aller vous croquer un café de vert. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être peut-être un peu plus amer, mais le côté du café vert va être beaucoup plus acidulé. Donc, si déjà, à la base, vous n'aimez pas nécessairement ce qui est acide, mais, tu sais, laissez tomber le café vert. C'est ce qui surprend du terme torréfaction, c'est qu'on ne sait pas nécessairement... La population en général, c'est pas vraiment ce que c'est de la torréfaction, oui. Mais les restaurants qui servent du café appellent quand même ça torréfaction foncée, comme si les gens allaient savoir ce que c'est. T'sais. Oui, c'est ça, exactement. Bien, les deux produits, en fait, sont issus de façon extrêmement différente. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire un café avec des grains qui vont être rendus bruns à la suite de la torréfaction. Mm-hmm. On peut aussi utiliser le café vert en boisson. C'est juste qu'on va l'apprêter de façon complètement différente. Et ce que ça va faire, c'est que ça va garder entièrement les nutriments du grain qui se trouve déjà à la base du café. Mais donner du goût un petit peu. Et donner un goût complètement différent, ouais. On s'entend. Si vous décidez de faire infuser, par exemple, là, votre grain de café vert, ben, attendez-vous pas à ce que ça ressemble à un thé, mais que ça vous goûte le café, c'est pas du tout la même chose. Donc, du café noir, comme on le disait, c'est obtenu pour une haute température. Il y a une poussière qui se crée après ça. C'est un liquide qui est sombre. L'arôme, la saveur est quand même assez intense. Ça tend vers les amertumes. C'est des notes quasiment cuites qui sont quand même assez fortes. On retrouve ce côté-là qui a été cuit dans le café noir. Mais au contraire, le vert, c'est une infusion de poussière, souvent qu'on va tout simplement faire si on désire l'apprêter de cette façon-là, donc en boisson. Et on va obtenir une espèce de thé à base de plantes qui va être simple, qui va être très, très léger en termes de couleur. Donc, ça va quasiment ressembler à un thé vert. Ça va être vert clair, transparent, mais la saveur et le goût est extrêmement difficile à caractériser parce que ça goûte pas le thé, ça goûte pas le café et ça fait juste goûter quelque chose d'acide. Ouais. Donc, à ce niveau-là, peut-être est-ce que vous allez retrouver un goût qui va ressembler à celui de la lime, mais sans nécessairement avoir le goût de la lime parce que c'est juste l'acidité que vous allez recevoir et non pas le goût lui-même. Ça va juste être dans les joues, là, tu vois ça. Exactement, c'est en plein ça. L'écart nutritionnel aussi entre le café torréfié et le café vert, bien, on voit une différence, surtout entre l'analyse en profondeur qui est quand même assez importante, comme par exemple, on peut facilement déduire que ce qui précède jusqu'à présent le café vert, en plus de subir des traitements qui sont thermiques, bien, c'est destiné à la production d'une boisson qui va être obtenue par infusion. Donc, ça va être, encore une fois, un peu différent du café normal, mais ça va jouer aux alentours de 70 degrés pour pouvoir le faire infuser. C'est un système qui est garanti pour avoir beaucoup plus de nutriments. C'est exactement le contraire, en fait, de ce qu'on obtient quand on décide de faire du café brun, parce qu'on s'entend que lorsqu'on décide de torréfier le grain de café, bien on enlève tous les nutriments, on le déshydrate à ce niveau-là. Donc, si on regarde ça comme ça, bien on a déjà enlevé tous les nutriments. Donc, on n'a plus ce côté nutritif du grain de café original, tandis que le côté vert, bien on l'a encore. C'est juste que, bon, comme je l'ai dit depuis tantôt, le goût n'est pas pantoute la même chose. Ouais. On se pose la question, c'est quoi les fameuses vertus du café vert? Uh-huh. On l'a dit tout à l'heure, ça peut aider pour maigrir. Donc, les graines de café non torréfiées, c'est clairement populaire là, en ce moment à cause de cette vertu-là. Supposée vertu. Ben, c'est ça, exactement. La popularité a augmenté d'année en année, en particulier depuis 2006. Fouille-moi pourquoi, mais cette année-là, il y a une équipe japonaise qui a publié, en fait, dans une revue médicale, une étude qui suggérait que le café vert avait des vertus pour les personnes qui étaient en surpoids. Donc, c'est pas un remède miracle, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais les acides qui sont à l'intérieur de ce grain de café qui a pas été torréfié, c'est-à-dire les acides chlorogéniques, bien, ça diminue, en fait, l'absorption des sucres que notre corps fait de façon naturelle. Donc, les cellules hépatiques qui s'occupent justement de cette absorption des sucres-là est modifiée au moment où on va absorber le café vert. Et la transformation du sucre en graisse par le foie, eh bien, c'est à ce niveau-là que le café vert va faire un changement. C'est des acides qui favorisent, entre autres, l'utilisation des sucres par les cellules musculaires. Donc, les cellules vont tout simplement voir le sucre d'une autre façon. On va l'absorber pour qu'il devienne beaucoup plus énergétique et non pas pour qu'il devienne une graisse. Et on va diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc, les effets du café vert, ça pourrait être intéressant pour le traitement du diabète de type 2. Hmm. Mais on s'entend, si vous décidez de boire 12 cafés verts par jour, vous n'allez pas maigrir. C'est juste que l'absorption du sucre devient différente au niveau de votre corps. C'est pas un remède miracle, c'est pas des piments forts qui vont vous faire suer de façon incroyable. C'est juste que vos cellules vont gérer le sucre que vous allez absorber de façon différente. Est-ce qu'il vend? Oh, excuse-moi, David, vas-y. Non, ça veut dire que t'as pas nécessairement... Faut pas que ça te donne un prétexte pour manger un gros gâteau c'est au chocolat. Exactement. Tu te dis pas, bon, mais m'a mangé mon morceau de gâteau au chocolat en buvant un petit café vert, c'est pas vraiment ce côté-là qu'on essaie d'obtenir en utilisant ce café non terrifié. Est-ce que tu as vu du café déjà pré-moulu à acheter en café vert, non? Non. J'en ai jamais vu. J'imagine pour le faire soi-même, le moule. Mais j'imagine en fait que ça se vend. Mais c'est sûr que pour obtenir une poudre, quand on ne l'a pas encore déshydratée, ça doit être un processus qui est quand même assez long. Donc j'imagine que de se procurer du café vert, ça doit être un petit peu dispendieux. Okay, ouais, si on comprends. Regarde ça comme ça. Mais il y a d'autres vertus que simplement le fait de se dire qu'on pourrait peut-être maigrir avec cette affaire-là. C'est rempli d'antioxydants. Mm-hmm. Donc déjà à la base, c'est bon pour notre corps. Donc, en plus de l'effet de la caféine, il y a une substance qui va être stimulante et le café vert va contenir des acides, comme je le disais, chlorogéniques. Donc, ça disparaît lors de la torréfaction. C'est pourquoi on ne l'a pas nécessairement avec le café normal. Mais ce sont des composés organiques qui sont d'excellents antioxydants. Ça favorise la protection de l'organisme contre, par exemple, les radicaux qui vont être libres, le vieillissement cellulaire aussi. Donc, ça va beaucoup jouer au niveau de nos cellules dans le corps, contrairement à le café au café normal qui fait juste nous éveiller à ce niveau-là. Et il y a certaines études qui met en fait les effets anxioliques, oui, sur la première marche du podium pour ce qui est du café vert, avant même la perte de poids et le fait qu'on pourrait maigrir grâce à tout ça. Donc, le café vert, au niveau de l'allié minceur, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va changer, ça va modifier un petit peu l'absorption des sucres. Ça veut pas dire que vous pouvez manger n'importe quoi. C'est pas mal comme n'importe quel remède miracle, en fait, qu'on vous vend. Il faut faire attention. Il faut que vous preniez en considération que ça peut ne probablement pas fonctionner sur vous aussi. Mais c'est... En tout cas, moi, je suis pas certaine que j'irais me boire un café vert, considérant le goût. Probablement que je l'essaierais. Ouais. On s'est posé la question, est-ce que le café vert, en fait, c'est efficace comme le café brun contre la fatigue? C'est riche en caféine, donc automatiquement, ça va être un stimulant. La caféine va bien évidemment maintenir votre réveil. Ça va aider aussi à votre concentration. Le revers de la médaille, par exemple, c'est qu'en excès, ça va retarder votre endormissement. Donc, vous allez avoir de la difficulté à vous endormir. Un peu pareil comme le café normal. Mais plus longtemps encore. Plus long encore. Ça veut dire que votre qualité du sommeil, ça se peut qu'elle soit vraiment induite et ça peut augmenter votre anxiété aussi si vous avez une consommation qui est quand même assez excessive. Donc, faire attention à ce niveau-là. Arrêter plus de bonheur dans la journée, sûrement. Des fois, on dit d'arrêter le café l'après-midi. Exactement, mais c'est parce qu'on le dit là, au niveau de la torréfaction, on a enlevé les nutriments du grain de café, tandis qu'avec le café vert, tout est là. Donc, votre café normal est comme légèrement boosté à la puissance 5, mettons, et ça va accélérer votre rythme cardiaque beaucoup plus qu'un café normal. C'est quasiment un Red Bull. Ouais, ben, c'est quasiment un Red Bull, mais entièrement naturel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites, si vous avez des problèmes de tension artérielle, allez pas vous claquer un café vert. Ça a ses propres sensibilités aussi. Donc, c'est comme je le disais, c'est comme un Red Bull, mais naturel. Donc, connaissez votre corps avant de décider de consommer ce genre de produit-là. Ouais. On se demande si c'est bon pour le foie, parce que bon, on a parlé des cellules qui vont gérer le sucre de façon différente. Et en fait, l'augmentation de surpoids, l'obésité dans le monde, ça s'accompagne souvent de certains problèmes au niveau du foie. Donc, les excès alimentaires en graisse saturée et en sucre, bien, ça va conduire à une accumulation de graisse au niveau du foie. Et le café semble à fois, en fait avoir un effet préventif de la stéatose et l'inflammation hépatique, donc deux maladies qui s'attaquent directement au foie des personnes. Et tous les mécanismes ne sont pas encore connus. On gagne en popularité, on gagne en vertu de ce qui est minceur, en vertu de ce qui est bien évidemment boost d'énergie. Mais à ce niveau-là, pour ce qui est des composantes du café versus la protection de votre foie, on n'est pas encore clairement certain de ce qui se passe à ce niveau-là. On fait des recherches, mais bien évidemment, quand ça fait juste depuis 2006 qu'on parle de ce produit-là, il y a encore des recherches qui doivent être faites. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention si vous décidez d'aller vous claquer là, 6 cafés verts. Et on peut se poser la question, sous quelle forme est-ce que je vais le consommer? Ouais. Parce qu'on a parlé de la poudre. Bien, le café vert, ça se vend en grains. Donc, c'est conseillé, en fait, de le laisser macérer durant une nuit complète dans l'eau froide. Okay. Ça n'a rien à voir avec la saveur du café, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, limitez-vous à 2 tasses par jour en première partie de journée. Allez pas vous claquer ça en après-midi ou en soirée. C'est sûr et certain, vous n'allez pas dormir. Il ne faut pas le cumuler non plus avec d'autres boissons qui sont fortes en caféine, parce que déjà, à la base, c'est extrêmement caféiné, beaucoup plus qu'un café normal. Nestlé a lancé en 2009 un mélange est soluble, qui est composé de 35 % de café vert et 65 % de café torréfié. Pour avoir un petit peu les avantages, mais le goût quand exactement, même. Exactement, donc c'est un bon compromis en fait, si vous voulez tester un petit peu qu'est-ce que ça va faire sur votre corps. On s'entend, c'est 35 % là, de café vert. Donc, vous allez peut-être voir la différence. Peut-être est-ce que vous allez être beaucoup plus éveillé à ce niveau-là. Ça vaut la peine de quand même essayer. Ce qu'on conseille, en fait, c'est de ne pas en boire plus de 3 tasses par jour de ce mélange-là, parce que c'est un mélange des deux. Hein? Oui, c'est un mélange du vert et du brun, donc c'est quand même assez élevé en torréfaction. C'est quand même assez élevé aussi en caféine. Donc, peut-être que ça se peut que vous sautiez partout. Genre, David, ne va pas t'en claquer 3. On te regarde tout. Là. Ça se trouve aussi au rayon diététique en sachet ou encore en petit bâton individuel de façon instantanée. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de tout simplement respecter les doses qui vont être écrites sur ces sachets-là. Et il y a beaucoup de compléments alimentaires, que ce soit en gélule, en capsule, en crème, en gel, en ce que tu voudras d'autre, qui sont justement composés de café vert à cause des grandes vertus là, antioxydantes et tout ça. Il ne faut pas dépasser, encore une fois, la posologie, surtout pas dans les gélules et les capsules, parce que ça va être combiné avec d'autres ingrédients qui veulent justement booster votre corps. Donc, la durée qui est indiquée en termes de posologie, donc le nombre de capsules que vous devez prendre par jour et combien de temps est-ce que vous devez les prendre, c'est vraiment très important de juste pas dépasser cette limite-là. Il faut pas cumuler non plus avec d'autres compléments alimentaires de style minceur ou tonus qui vont comporter eux aussi de la caféine parmi les ingrédients. Parce que bon, si on regarde thé vert, café vert, bien là, ça se peut que votre corps fasse comme... J'ai vraiment beaucoup trop de caféine dans le corps. Tout ce qui est guarana, cola et le maté, à ne pas tout simplement combiner avec ça si on désire en faire un cocktail quelconque. Pas de fucked up avec ça, David. Non, mais ça, mais je pensais exactement la même chose. Voir s'il y a des compagnies qui allaient justement mélanger du guarana avec du café vert un matin. Ben, écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fait dans les crèmes. Parce que justement, à cause des antioxydants, mais aussi à cause de l'effet d'élasticité de la peau. Ah. Ça va aller jouer beaucoup sur l'élasticité de la peau. Donc, il y a beaucoup de crèmes pour le visage, par exemple, mesdames ou messieurs, qui vont comporter du café vert ou qui vont comporter un mélange de café vert et guarana, c'est que ça va éveiller, en fait, l'élasticité de votre peau. Puis, vous allez peut-être avoir un teint qui va être meilleur. Là, dans le fond, tu prends ta crème pour le visage, tu en mets dans ton café, tu brasses. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais j'ai une crème à la maison qui est composée de café vert. J'ai découvert ça cette semaine. Est-ce c'est que c'est ça qui t'a... Ouais, hein? Ouais, c'est ça qui m'a donné un petit peu, parce que je me suis posé la question. C'est pour ça que le visage de Tania nous éblouit dans la face et qu'on ne voit plus non, rien. Non, c'est pas une crème de visage, mais... C'est salon de bronzage, Oui, mais je me suis vraiment posé la question, ah, c'est quoi ça? Puis, c'est un composant qui fait que la crème est très, très fraîche. Donc, si tu la mets sur ton corps, tu vas avoir vraiment l'impression de mettre quelque chose qui a passé 2 jours dans le réfrigérateur, malgré le fait que tu le laisses dans sa tablette dans ta salle de bain. Là, t'sais. Donc, à ce niveau-là, c'est le fun. Ce qu'il faut comprendre, comme je le disais, c'est de toujours lire la posologie et le mode d'emploi de ce que vous allez utiliser avec du café vert. Voilà. Apprenez à lire. Ça, oui, s'il vous plaît. Ouais. C'est important. Très important. Ceux qui ont une petite dyslexie. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Faites attention. Bref, merci Tania. Hey, ça fait plaisir. Pour une chronique de Tania Esgolin-Tourigny, ben, on écoute Assemblage Rocky tous les matins, simple comme ça. Mm-hmm. On prend une pause. Au retour, tantôt, je les ai mentionnés, David et Marianne, qui sont là depuis le début de la chronique. Ils sont là pour une raison. Ben, hein? Surtout Marianne. Ben, toi, c'est plus pour accompagner puis être drôle. T'es comme le comic relief. Bye bye. Non, c'est le fun. Bon, hein? C'est sûr qu'il fallait qu'il fasse ça, hein, ouais. Ça, c'est moins drôle. Hein. Marianne, mais c'est mon côté dramatique. Ça l'a fait son temps, là. Ton côté théâtral. Oui, là, exactement. Je disais donc, Marianne, qui va venir nous parler de. En fait, qui va nous faire goûter à des produits du magasin Général Lebrun. Ben oui. Ça va être bon, hein. Okay, donne-nous un avant-goût de qu'est-ce qu'il y a. Pas toutes, là. Non, OK. Ben en fait, c'est principalement des bonbons. Des bonbons? J'espère que vous aimez la réglisse noire. Oh! Ouais. Hey, en temps normal, non. Le gingembre. Oh! Ouais. Oh oui, moi, oui. Moi, oui. Non, j'aime pas ça. Le savon. Je mange rarement de savon. C'est oh mon Dieu, est-ce que c'est les gommes au savon mauve là, qu'il y avait dans le temps? Oh, Yark! Ah. Oui! Ah, OK! Ouais, ça va être excitant. Ça. Hey, je sais pas pourquoi ils ont créé ça. Là. C'est tellement la chose la plus blanche. Ça peut tellement pas être pire que la gomme au bacon. Oh, la gomme au bacon? Ouais, on a déjà goûté ça. Ah. Hey, oui, dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. Ça risque de pas être le pire à ce moment-là. Une grosse pâte d'adresse. OK, bon, ben, on a hâte, c'est après la pause. Restez là!

Hey, merci, aïe, Marianne. Aïe. Merci, Boulanger. Mais ça fait plaisir. On remercie aussi le magasin Général Lebrun de nous avoir envoyé ces produits-là. Oui, merci. On te réinvite un jour, c'est une autre galerie de produits. Oui. Éventuellement. Oui. C'est le fun. Oui. Cool. Le magasin Général Lebrun en ville, c'est au centre-ville de Trois-Rivières. Oui. On s'y retrouve là. Merci, Marianne. Merci à vous. Merci. Nous, ça va être la fin de Grosse Pointe Tendresse, mais aussi de l'émission. On se dit à demain, 7h, pour nos meilleurs moments de la semaine. Sinon, on va avoir plusieurs émissions très convaincantes sur nos ondes aujourd'hui. La rediffusion du Mathieu Plancheau va être là à 13h. On a le prétexte en rappel à 16h. La sortie de secouette à votre gauche à 18h va être en direct. Et à 19h, très blues, assez fou, toujours en direct. Steve.ca, assemblagerequis.com. Et on se retrouve demain, 7h. Bye, bye. Bye, bon café tout le monde. Ah, la gomme, hein. Ah, ça apprend. Animé avec ça. Mmh. Ah, j'aime ça. T'es pris dans le fond de la gorge. Je lève le j'avais ça aussi. Mais ça, on n'a pas le temps, mais c'est bon. Thank you.